Tanja Goldman. You know Tanja Goldman? Friends. I just sing. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Là, c'est 32. Morceau en entier sur ce truc. Et en fait, on est obligé de mettre le nombre de mesures pour que tout le monde puisse jouer. Tu vois ? Donc, ça part à 1, mesure 1. Thank you. Yes. Eritrea. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mm-hmm.